Les consignes. Faustine a 7 ans et demi, l'âge de raison à ce qu'il paraît. Elle demande comment on fait les bébés. Maman soupire. Encore? C'est la 3e fois que tu me le demandes et que je t'explique. Allez, passe-moi le bloc, je te fais un dessin cette fois. Elle prend une feuille de papier, un crayon, elle détaille. Tu vois, ça c'est la dame, là le monsieur, il a un zizi. Elle a un vagin. Il sème très fort. Tellement fort que le zizi du monsieur se lève et veut entrer dans le vagin de la dame. Sous le zizi se trouvent des petits sacs qu'on appelle des testicules. Dedans, ce sont les spermatozoïdes. Ils ressemblent à des têtards. Il y en a des millions. Chacun pourrait donner un bébé s'il rencontrait un ovule. Quand la verge du monsieur se trouve dans le vagin de la dame, il fait frotti-frotta jusqu'à ce que les spermatozoïdes sortent par le petit trou qui est là. Après quoi, tous les têtards font la course jusqu'à l'ovule qui se trouve là. Quand le têtard rencontre cet œuf, il entre dedans. On dit qu'il le féconde. Et 9 mois plus tard, le bébé sera là si tout va bien. Tu comprends maintenant ? Faustine acquiesce. Cette fois, oui, elle a compris. Elle prend sa trottinette et sort jouer sur le boulevard. Le pâté de maison fait triangle. En trottinette, elle longe le boulevard, descend la ruelle derrière, puis remonte de l'autre côté, inlassablement. Faustine doit rentrer à l'heure, mais pas avant. Loin de ses livres, elle s'ennuie vite. Alors, elle absorbe comme une éponge les sons, les odeurs, les couleurs. Immobile, elle emmagasine, puis comme bien des enfants solitaires, elle se raconte des histoires. Ce trottoir est un monde en soi. Parfois, il grouille de vie, surtout les jours de marché, les mardis et les vendredis. On peut acheter des légumes, des fruits, des fromages, du miel et des fleurs. La fleuriste est toujours installée devant l'immeuble de la concierge, au numéro 23. Elle propose des glaïeuls, les fleurs préférées de maman, des roses, des marguerites, des œillets du poète et des gueules de loup, les fleurs préférées de Faustine. Rien que le nom est marrant. En dehors des jours de marché, le boulevard propose quantité d'autres distractions. Faustine habite au rez-de-chaussée, devant la fenêtre de la cuisine. Il y a une barre à battre les tapis. C'est vraiment génial d'y jouer au cochon pendu. C'est un peu dangereux aussi. Un jour, Faustine est tombée pile sur une des piques de la clôture et se l'est enfoncée profondément dans le genou. Elle n'a pas eu mal sur le moment, mais le lendemain matin, quand il a fallu arracher le pyjama, parce que la plaie ouverte avait suppuré et encollé le pansement que maman avait mis, ainsi que tout le reste autour, on pouvait entendre ses hurlements de loin. En face de la maison, il y a une boucherie. À côté, un restaurant qui fait de merveilleuses pâtes, dit papa. Et une marchande de journaux. Parfois, maman permet à Faustine d'aller lui acheter ses cigarettes. C'est sa plus grande récompense. La buraliste est une grande fumeuse et il n'y a rien, mais vraiment rien de plus rassurant que cette odeur de tabac chaud mélangée à celle de l'encre fraîche. Faustine ne s'en lasse pas. Elle regarde si le journal de Mickey est dans l'assortiment, mais dans le fond, elle sait bien qu'il ne paraît que le samedi. Faustine bénéficie de beaucoup de liberté à condition de toujours rentrer à l'heure dite. Maman dit que la confiance, c'est primordial. Faustine peut donc aller pratiquement n'importe où dans le quartier, y compris sous la gare qui est à 2 pas. Un jour, en grimpant au sommet d'un panneau de signalisation, elle a ressenti dans son bas-ventre une jouissance fulgurante. Bien agréable, ma foi. Elle retournera souvent réitérer l'expérience, investiguant longuement ensuite dans le secret de ses draps jusqu'à comprendre et maîtriser le phénomène. La fillette peut aussi, toujours avec sa fidèle trottinette, explorer le parc en bas de sa rue. 2 fois par semaine, si elle le désire, elle peut se rendre à la bibliothèque qui jouxte le jardin botanique. Voilà encore un autre endroit magique. Il n'y a que l'odeur du tabac chaud qui manque. Ici, les livres sont si nombreux que tout dévorer exigerait une vie entière. N'est-ce pas rassurant? Depuis qu'elle sait lire, Faustine est la plus heureuse des petites filles. Elle a déjà exploré les aventures de Oui-Oui, la bibliothèque verte, la bibliothèque rose, lu toutes les aventures du club des cinq, et elle vient d'attaquer les malheurs de Sophie. Elle lit tout, tout le temps, partout, surtout à la piscine. Parfois, elle est si passionnée par l'histoire en cours qu'elle en oublie de se baigner. Elle n'est plus jamais seule avec toutes ses lectures. Elle a oublié depuis longtemps ses terreurs du début quand elle s'était demandé ce qui arriverait si les mots changeaient soudain de signification sans préavis. Imaginez, ce que vous avez toujours appelé maison deviendrait voiture ou encore souris ou enfant ou n'importe quoi d'autre et personne ne vous dirait qui est quoi. C'est terriblement effrayant, non? Une fois par mois, Faustine se rend chez les petites abeilles. C'est un peu comme les scouts, mais dédié aux filles. Elles font des sorties du côté de Sauvablin ou du chalet Tagobet. Faustine est la plus jeune, tout juste tolérée, parce qu'elle pose sans arrêt des questions, a des demandes impossibles, essaye d'imiter les grandes. Lors de la dernière sortie sur la colline de Montrion, on lui a enfin attribué son insigne d'abeille. Désormais, elle fait partie de la troupe à part entière. Mériter son totem exige de boire une infâme mixture, une sauce salade trafiquée et dégoûtante, concoctée par toute l'équipe. Impossible de savoir ce qu'il y a dedans. Du jus de limace? Des crachats? Pire! Faustine ne le saura jamais. Histoire de leur montrer à qui elles avaient affaire, elle a tout bu jusqu'au bout, bien qu'on ait essayé de l'arrêter. Elle a réussi à ne pas grimacer, comme quand elle fait le concours avec papa de celui qui avale le plus de cornichons. Depuis, elle est devenue la belette. C'est son totem. Il a bien fallu l'accepter, mais quelle déception. Elle qui se voyait déjà en loup, en lion ou en grizzly, alors que belette, ça fait petite fouineuse, pense-t-elle intérieurement. Quelques maisons après la sienne, il y a un immense bâtiment, grand cube en béton, où des groupes peuvent louer des salles de réunion et manger dans la cafétéria au sous-sol. Elle est déjà entrée à l'intérieur parce que la mère d'une de ses copines de classe est concierge de l'immeuble. Sa copine s'appelle Agnès. Elle est première en tout, en maths et en français. Elle a quatre frères et sœurs qui dorment sur des lits superposés, dans une pièce qui ne fait pas la moitié de sa chambre à elle. Elle plaint son amie, tout en l'enviant d'avoir une famille si nombreuse qu'elle lui évite de racoler des amis à l'extérieur. Stéphane, le petit frère de Faustine, a 5 ans de moins qu'elle. C'est souvent une corvée de jouer avec lui. Il ne comprend jamais rien à rien. Il arrive néanmoins que ce soit amusant, lorsque maman leur permet de laver des habits de poupée. Ils font ça sur la terrasse, dans une bassine, avec du vrai savon, ou encore quand Faustine le harcèle jusqu'à ce qu'il hurle et se fasse gronder. Mais ce n'est que justice après tout. Faustine n'a pas oublié la visite à la maternité. Stéphane avait quelques jours à peine. Maman lui donnait à manger au sein. Fascinée, Faustine regardait de tous ses yeux. Elle n'avait jamais vu maman dénudée. Alors papa, gêné, lui a dit d'aller s'amuser dans le couloir. « Ça ne se fait pas de fixer les gens ainsi !» Depuis ce jour, la fillette a commencé à se sentir de trop. Elle a perdu d'un coup 5 ans de privilège de fille unique. Maintenant, elle sent un mur entre ses parents et elle. Elle a bien tenté de la battre, mais c'est le mur qui a gagné. Faustine évolue dans l'indifférence générale, comme si elle n'existait plus. Si elle pose la question... « Pourquoi vous ne m'aimez plus comme avant ?» On lui répond qu'elle se trompe. « Mais si elle m'en dit un câlin, on la rejette. Arrête de coller. » C'est juré, elle ne les embrassera plus jamais. Ça fait déjà 3 jours. Maman ne l'a toujours pas remarqué. Faustine ne peut pas croire que ses parents ne l'aiment plus. Elle sait qu'elle n'a pas été méchante. Pourquoi alors ? Elle se sent tolérée sans plus. Mais elle aimerait tellement une seconde chance. La nuit, Faustine pleure souvent. Elle supplie intérieurement qu'on lui explique ce qu'on attend d'elle. Si seulement tout pouvait redevenir comme avant. Un jour, alors que Faustine rentre de l'école, elle voit maman assise derrière sa machine à coudre. Or, celle-ci ne répond pas à son bonjour. A-t-elle oublié quelque chose? Était impolie? Soudain, maman se lève et s'approche à grands pas, l'air très fâché. Faustine court se réfugier dans les toilettes qui sont droit devant, au bout du couloir. Mais sa mère la rattrape, lui tombe dessus à bras raccourcis et la frappe avec une violence inouïe, sans un mot. Longtemps après que les coups aient été oubliés, Faustine n'aura toujours pas compris pourquoi elle les a reçus. Ce soir, maman a demandé à la fillette d'aller rendre les bouteilles vides au restaurant, de l'autre côté de la rue. C'est une mission de confiance. Elle met ses chaussures, prend le panier des bouteilles et traverse la rue. Le restaurant est noir de monde, presque uniquement des hommes. Il y a tellement de fumée là-dedans qu'on y voit à peine. Faustine s'approche du comptoir et donne les bouteilles vides. Elle en demande deux pleines en échange. Accoudé au bar, il y a un étrange individu tout noir, avec un chapeau, l'air un peu sale. Il a une cigarette au bec et les dents jaunes. Il est en train de vider un verre de bière. Il ne sent pas très bon. Faustine est si jolie, si souriante. Il la regarde tendre ses bouteilles, prendre les deux autres et demander à la serveuse de les inscrire sur le compte. Juste avant qu'elle s'en aille, l'homme interpelle. « Si tu me fais un bisou, je te donne un franc. » Faustine ne sait pas quoi répondre. La salle entière est devenue silencieuse tout à coup. La gamine devient toute rouge, sentant que tout le monde la regarde. Elle a peur qu'on la traite de prétentieuse. Elle a peur que le monsieur très grand se fâche. Et puis, c'est vrai qu'en France, ce n'est pas rien comparé aux 20 centimes de sa semaine. Demain, au kiosque, sur le chemin de l'école, elle pourra se remplir les poches de bonbons. Elle sera riche. Alors, elle s'approche de la joue qui se tend. Pose un baiser vite fait, attrape le sou promis sans toucher les doigts sales et s'enfuit en courant avec ses bouteilles. À la maison, pendant que maman termine le souper, Faustine raconte son aventure. Assez fière d'elle, ma foi. Vlan ! Une gifle atterrit sèchement sur la joue de la fillette, suivie d'une énorme engueulade. Loin d'être la bienfaitrice des clochards en détresse, Faustine s'entend qualifier de moins que rien, de malpropre, de pauvre idiote qui a risqué sa vie pour de l'argent. Oh, la petite se sent sale tout à coup. Très, très sale. Elle ne sait pas comment se nettoyer de toute cette saleté. Elle n'a qu'une envie, se savonner pendant des heures dans la baignoire. Mais ce n'est pas le jour du bain. Et d'ailleurs, il faut se mettre à table. C'est pas le moment de provoquer maman. Elle a cuisiné des épinards avec des œufs au plat. Stéphane n'aime pas ça du tout. Depuis sa chaise haute, il le fait comprendre à grands cris. Papa explique patiemment au bébé que les épinards sont un mal nécessaire. Le fer qu'ils contiennent permet aux globules rouges de se multiplier, nettoie et régénère le sang. Ainsi, les enfants restent en bonne santé. Faustine n'a retenu que le mot « propre ». Ce soir, elle redemande trois fois des épinards.